Bonjour à tous, je suis Bérangère Stassin, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et membre du CREM, qui est le Centre de recherche sur les médiations, organisateur de la journée d'études. J'ai le grand plaisir de vous accueillir ici à l'ESPE, donc pour cette journée consacrée à la lutte contre le cyberharcèlement à l'école. Donc c'est une journée qui va nous inviter à aborder deux thématiques, puisque le cyberharcèlement renvoie à la problématique du harcèlement scolaire, mais également à la problématique de l'usage que font nos adolescents des réseaux sociaux. Pour cela, nous aurons le plaisir d'entendre à la fois des chercheurs en sciences humaines et sociales, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, psychologie, mais aussi des praticiens, des présidents d'associations, qui sont quotidiennement sur le terrain et qui développent différentes actions en termes de prévention et de sensibilisation aux violences scolaires et au harcèlement scolaire. Pour commencer, je vais laisser la parole à M. Husson, qui est le directeur adjoint de l'ESPE, qui donc, nous accueille chaleureusement aujourd'hui dans ses locaux. Puis nous entendrons Jacques Walter, directeur du CREM, et Jean-Michel Vavlet, qui est IAE-IPR au rectorat et à l'Académie Metz-Nancy. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. L'ESPE de Lorraine est donc très heureuse de pouvoir accueillir cette journée d'études organisée par le CREM pour toutes les raisons qui viennent d'être dites et particulièrement heureuse de pouvoir accueillir ce public qui, si j'ai bien compris, est à la fois un public d'étudiants, de professeurs stagiaires, de professionnels enseignants et formateurs et peut-être aussi de cadres de l'éducation nationale sur cette thématique donc si importante à la jonction des médias, de la formation et de beaucoup d'autres champs. Je ne vais pas prendre plus longtemps la parole, sauf d'une part pour vous souhaiter une bonne journée d'études. Celle-ci va donc être enregistrée et les personnes qui n'ont malheureusement pu être accueillies pourront en bénéficier en podcast, du moins nous l'espérons, et pour passer tout de suite donc la parole à M. Jacques Walter. Oui, tu peux. Voilà, bon, très bien. C'est effectivement branché, dirait-on. On l'entend. Bon, merci beaucoup, Berger, merci beaucoup, Laurent. Donc, je vais prendre la parole à mon tour, je l'espère de façon assez brève. Je ferai des efforts en ce sens. D'abord, pour vous remercier de l'accueil, hein, c'est évident. Être à l'ESPE, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait important. D'abord parce que nous avons des relations de travail depuis pas mal d'années. Et puis parce que le terrain de l'éducation, de la formation est important pour nous au sein de l'unité de recherche. J'y viendrai tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Laurent, de nous accueillir. On a l'occasion de travailler ensemble dans le cadre de la revue Questions de communication. Donc, Laurent est un fidèle contributeur. Voilà, et puis merci beaucoup aussi à Jean-Michel Wavlet. Qui ici représente le rectorat. On sait qu'on a bénéficié d'un appui inconditionnel de celui-ci, quelle que soit la rectrice en place. Hein, c'est quand même quelque chose de très important pour nous aussi. Voilà, donc il y a comme ça des collaborations qui sont très productives et dont on peut se réjouir. Alors, ça a été dit par Bérangère Stassin.